arrivait de Nuremberg. La princesse arrivait de Rome et débarquait du chemin de fer. Le voir l'aimé pour la princesse, ce fut l'affaire d'un moment. Elle lui fit part de sa tendresse avec transport et sentiment. Mais lui l'arme au bras de planton, le bras gauche sur le pantalon, resta sourd à l'invitation. Et pourquoi donc? Parce qu'il était en plomb. Ah ou, le joli soldat Vida. Miaou, crac-fuit. Bon gros. Badabla, voyez à l'aise, tout est à treize. Et si cela souvient à votre bête, prenez la boîte avec. C'est. Voyant insensible à ses charmes, la princesse eut de l'étonnement. Il était toujours au port d'armes, droit, immobile, alignement. Tout affolé, la pauvre dame saisit le fantassin glacé. Et puis d'un long baiser de flamme, elle couvre son visage bronzé. À ce baiser trop furibond, le pauvre soldat perd son aplomb, et le voilà du fond. Et pourquoi donc? Parce qu'il était en plomb. Chou! Aou, le joli soldat Ouida. Miaou, crac-fuit. Bon, bon. Rappelez-le, voyez à l'aise, tout est à treize. Et si c'est la soupita, vous pouvez prendre la boîte avec. Chou! Il devait avoir une suite. Ce roman merveilleux, il lut. 9 mois après son inconduite, la pauvre princesse s'aperçut. Elle s'aperçut qu'elle était mère et mit au monde un escadron. 800 troupiers prêts pour la guerre, tous à cheval comme de raison. Hommes et chevaux, tout l'escadron fut enveloppé dans du coton et mis dans une boîte en carton. Et pourquoi donc? Parce qu'ils étaient en plomb. Chou! Aou, le joli soldat Ouida. Miaou, crac-fuit. Bon, bon. Rabadabla, voyez à l'aise, tout est à